4. Roger II, à peine installé, demanda le concours de ses moines pour le resserrement de la discipline que les guerres et le passage des abbés du bon plaisir royal avaient tristement relâché. Une autre tâche lui incombait, la mauvaise gestion de Roger Ier qui, par malheur, avait duré 21 ans, laissait le temporel de l'abbaye dans une situation très menaçante. Il y avait eu des ventes indûment et mal faites, des revendications se produisaient, soit devant les tribunaux, soit même à main armée. Roger II, homme de patience et d'intelligence, frayait laborieusement son chemin à travers 1000 difficultés presque inextricables lorsqu'il se trouva tout à coup arrêté par un obstacle plus violent et plus puissant que les autres. Un baron de la contrée, Thomas de Saint-Jean, lui déclara la guerre dans toute la force du mot et ne la fit pas de main morte. Il avait de nombreux vassaux qu'il tenait toujours en armes et partait chaque matin pour ravager les biens du monastère, tantôt ici, tantôt là, depuis Saint-Méloire de Bretagne jusqu'au lieu où Granville fut bâti depuis, de l'autre côté de Saint-Père. Roger II ne voulut point opposer la force à la force. Il l'aurait pu. Il aima mieux garder au sanctuaire sa paix et ne rien tenir que du pouvoir de Dieu délégué à son ange. Cette pensée, belle en soi, emprunta une grandeur plus frappante à la simplicité pieuse que Roger mit à la traduire en fait. Sa clameur, comme on appela cette prière d'espèce inusitée et solennellement pressante dont il usa, émut le ciel, étonna la terre et a laissé une trace très marquée dans l'histoire. La parole doit rester ici aux chroniqueurs de l'époque. Ce sont des témoins, ils disent, les religieux résolurent de célébrer une clameur très pieuse, sans omettre un seul jour, devant l'autel de Saint-Michel, pendant que l'on chantait messe, en présence du très saint et très véritable corps de notre Seigneur Jésus-Christ, chantant avec larmes « Miserere mei » et clamant « Kyrie eleison ». Thomas de Saint-Jean commença par faire comme beaucoup de gens qui, en lisant ceci, seront tentés de sourire. Il haussa même les épaules une fois, deux fois peut-être, mais la troisième fois qu'on lui apporta l'écho du grand cri que ses persécutés élevaient contre lui jusqu'à Dieu, il songea. La clameur du sanctuaire continuait, le persécuteur s'étonna, puis il s'épouvanta, « exoruit », dit le texte. Et le voilà un jour qui sort de son castel en armes, car la fureur le transporte. Il est suivi de ses frères et de toute une troupe de barons. On traverse les grèves en bon ordre, comme s'il s'agissait d'un siège, on sonne du cor sous les murailles, et l'abbé se présente aux portes grandes ouvertes. Ce n'est qu'un vieil homme, il est désarmé, il ne demande même pas qui êtes-vous et que voulez-vous, car la maison de l'archange n'a pas besoin de s'informer. Son hospitalité appartient à tous. Ce sont les assaillants qui interrogent. « Moine, s'écrie Thomas de Saint-Jean, est-il vrai que tu as eu l'audace de crier jusqu'à Dieu contre moi et contre mes frères ?» Roger répond « C'est vrai. » Et quand Thomas, furibond, demande pourquoi, Roger répond encore avec sa fermeté tranquille « Parce que tu as dépouillé et volé mon maître Saint-Michel. » À ce nom, tous reculent, comme si à la place du vieillard sans défense, l'immortelle jeunesse de l'archange apparaissait soudain, brandissant l'épée de flamme qui nous défend dans le combat. Thomas et les siens tombent à genoux, et chacun d'eux s'écrie en cherchant les mains de ses moines, naguère abhorrés et méprisés, « Je serai votre soldat et votre serviteur. » Malgré les soins de toutes sortes qui remplirent sa prélature, Roger peut être mis dans une certaine mesure au nombre des abbés constructeurs. On lui doit la chambre rectangulaire, placée entre la salle des chevaliers et l'église, où se voit cette curieuse colonne monocylindrique dont les nervures épanouies s'entrelacent et retombent en chevelure comme la cime d'un saule pleureur. Du temps de la maison centrale, cette pièce, alors très obscure, était connue sous le nom de cachot du diable. Il agrandit aussi les bâtiments vers l'est et éleva l'ancien cloître ou promenoir des moines, malheureusement mutilé depuis un siècle. De ces autres constructions, il ne reste presque plus rien, et c'est à tort que divers écrivains lui ont attribué la merveille. Ces travaux avaient été entrepris à la suite du grand incendie de 1112, dont Thomas le Roi parle ainsi : « Le feu du ciel tomba sur le monastère, et réduisit en cendres tant l'église que les lieux réguliers, ne laissant que les voûtes, piliers et murailles. Roger II forme une pieuse exception parmi les supérieurs non régulièrement élus, mais cela ne prouve rien à la décharge du pouvoir temporel, puisque cet abbé excellent fut arrêté au milieu de sa carrière par un caprice du roi-duc lui-même. Henri Ier, qui l'avait fait, le défie. Don Huyn raconte avec une singulière tristesse qu'un des officiers de ce prince voulut s'approprier un bien du digne abbé. Henri, attaché à cet officier, prit son parti contre Roger, qu'il relégua à son ancien monastère de Jumièges. Roger mit son baston pastoral sur le grand autel de son église, l'an 1120, le jour dédié à Saint-Michel, se déposant par cette cérémonie de sa charge abbatiale et en remettant du tout le soin à l'archange, puis après, disant adieu à tous les religieux grandement maris, s'en alla. Les dictionnaires, à l'usage d'une certaine jeunesse, appellent Henri Ier un prince libéral. Il faut se défier de tous les despotes, mais toutefois de ceux qu'on couronne de libéralisme dans les mauvais livres. Henri Ier imposa le successeur de Roger comme il avait imposé Roger lui-même, mais cette fois, son choix fut lamentable. Richard de Mer, qui appartenait pourtant à l'ordre de Cluny, était un presque laïc, au dire du Gallia Christiana, et il pensa tout de suite que les ressources de la communauté ne pouvaient avoir un meilleur emploi que la satisfaction de ses appétits personnels. Il agit en véritable précurseur des abbés commendataires qui devaient déshonorer plus tard l'institution monastique et la pousser vers sa ruine. Insatiable comme tous les prodigues, il en vint bientôt à ne plus se contenter des revenus qui ne lui appartenaient pas et dévora jusqu'au bien fond. Les moines portèrent plainte à la fois au roi et abbé Mathieu, cardinal légat du Saint-Siège, en France. Le scandale était si patent qu'Henri ne put se dispenser de faire comparaître devant lui Richard de Mer, qui ne prit pas même souci de se justifier. Encore un qui n'eut point de tombe au Mont-Saint-Michel. Cependant, l'indignité des choix du roi retombait sur lui-même et ne diminuait point la haute réputation de l'abbaye, qui était toujours aux yeux du monde catholique un centre de lumières et de vertus. Ce mauvais supérieur, dont il vient d'être question, fut regardé comme un vivant outrage, infligé par la force, accepté par l'obéissance résignée, une gangrène introduite méchamment à l'intérieur d'un corps sain et saint. Aussi, même sous cette misérable prélature, on continua de s'adresser de près et de loin au Mont-Saint-Michel pour obtenir de vertueux abbés ou de grands évêques. Témoin le clergé de Saint-Malo, qui demanda le simple moine Donald pour gouverner cet illustre diocèse d'Alette, noble entre tous les évêchés de Bretagne, pendant que deux autres religieux du Mont, Guillaume et Gosselin, étaient choisis comme abbés de Saint-Florent de Saumur et de Saint-Benoît de Fleury. Le roi devenait vieux, mais il ne se corrigeait pas. Il hésita pourtant après le passage désastreux de ce Richard de Mer qui avait traité l'abbaye en pays conquis, et s'il ne rendit pas franchement aux moines l'intégralité de leurs droits, du moins peut-on penser qu'un accord quelconque intervint, car on ne trouve aucune trace de protestation lors de l'arrivée du nouvel abbé, Bernard Dubec, qui fut consacré par Turgis, évêque d'Avranches, et que le Gallia Christiana appelle un homme très sage, très droit et d'éloquence supérieure. Il était en effet tout cela et d'une piété angélique. Étienne de Rouen a chanté la vie de Bernard Dubec en vers latins qui ne sont pas bons, mais qui présentent un curieux programme des études du savant catholique. Il n'y en avait pas d'autres au XIIe siècle. Paris, dit le poème, l'arracha aux aveugles ténèbres de l'ignorance. Il y a pris le cours des astres, les retraites de la lune et du soleil, toutes les sciences de la philosophie et la sagesse de Socrate. Son langage y devint abondant, habile, prompt à combattre pour l'amour du Christ. Il n'est pas besoin de dire que Bernard, venant après un ravageur comme Richard de Mer, se trouva en face d'un terrible travail d'assainissement et de restauration. Désirant avant tout purifier les consciences, il établit sur l'îlot voisin, au lieu même déjà consacré où saint Anastase et Robert de Tomblaine s'étaient élevés vers Dieu dans la solitude, un petit prieuré de retraite, capable d'abriter quelques moines. Il y en tenait toujours trois, dit Don le roi, comme les voulant refondre dans la vie spirituelle. Le personnel entier du monastère passa ainsi tour à tour par cette maison de guérison et Bernard y venait très fréquemment lui-même. Il fallait aussi reprendre les travaux d'architecture systématiquement abandonnés. Bernard y consacra des soins très courageux et souvent heureux. On lui dut la belle tour romane, placée sur les quatre piliers élevés par Raoul de Beaumont. Depuis, cette tour a été brûlée et remplacée par une autre, sans mérite ni style. C'était sur la tour de Bernard que brillait la statue tournante de l'archange, tenant sous ses pieds le dragon. Elle semblait veiller cette sentinelle d'or et inspecter l'un après l'autre les divers points de la France menacés par l'esprit du mal. Mais le travail vraiment ardu auquel l'obligeait sa charge, c'était de recouvrer les nombreux biens dérobés au monastère ou frauduleusement aliénés. Le désordre à cet égard était au comble. Les efforts de Bernard, qui alliaient une extrême douceur à beaucoup de fermeté, furent d'abord couronnés de succès. Mais il devait, en définitive, succomber à sa tâche trop lourde. Henri Ier, funeste à la maison de Saint-Michel par sa mort comme par sa vie, alla rendre à Dieu ses comptes aussi longs qu'embrouillés, et les barons, ne sentant plus rien sur le trône, s'enhardirent. Un fils de donateur nommé Roger, sûr de l'impunité, ameuta contre les religieux la populace d'Avranches qui vint en armes avec des torches et mit le feu au bâtiment. Tout brûla, sauf l'église et les officines des moines. Bernard fut frappé au cœur par un pareil désastre que vinrent accroître les guerres de succession dont l'Avranchin fut le malheureux théâtre entre Mathilde, mère de Henri II, et Étienne, comte de Mortain. Il succomba au mortel chagrin que lui causait la ruine de l'abbaye le 8 mai 1149 et fut enterré au Mont, dans l'église même, ce qui donne à penser aux partisans du Liber Miraculorum que son élection n'avait pas été de tout point irrégulière. 5. La phase que nous traversons semble mentir au titre de notre livre « Merveille du Mont-Saint-Michel » et plus d'un lecteur aura cherché en vain une merveille quelconque dans ce chapitre qui contient pourtant la plus grande de toutes. Nul arbre, en effet, ne peut vivre séparé de sa racine. Dans ce chapitre, nous avons vu l'arbre de Saint-Michel, planté par Richard sans peur, et qui avait jeté en terre des racines profondes sous les quatre premiers abbés librement élus, coupés au ras du sol, en quelque sorte, par le caprice des successeurs de ce même Richard qui, tout en comblant l'abbaye de richesses matérielles, l'ont privé de sa racine même en la spoliant de son droit d'élection. Nous l'avons vu, cette communauté magnifique, frustrée de sa sève naturelle, condamnée à l'inertie, livrée sans défense possible aux alternatives des bons et des mauvais abbés, de telle sorte qu'elle ne peut extirper les mauvais et qu'on peut, au contraire, lui arracher les bons. Nous l'avons vu attaquer dans ses biens, dans sa piété même, qui est la vie des familles cénobitiques. Nous l'avons vu chanceler, nous ne l'avons pas vu tomber. Voilà la merveille. L'arbre sans racine est là, toujours debout, est toujours vert. Il souffre, c'est manifeste, mais ce n'est pas assez. Il devrait mourir et il reste en vie. Voilà le miracle. Le grand miracle, car il est miraculeux sans nul doute qu'une plante blessée et ne trouvant plus sa nourriture à son pied, où est la nourriture de toute plante, puisse retourner sa tige et lancer d'autres racines qui vont lui chercher sa sève dans le ciel. Les moines opprimés avaient célébré, certes, dans leur cœur, plus d'une clameur très pieuse, comme celle que le bon abbé Roger II élevait à Dieu naguère contre Thomas de Saint-Jean, et l'archange propice avait écouté leur prière. Ils vivaient orphelins de la liberté qui était leur mère, ils vivaient destitués du droit de choisir leur pasteur et de rejeter loin d'eux le loup, introduit de force au sein de la bergerie. Ils vivaient de l'obéissance, de résignation, de pieuses larmes, mais enfin ils vivaient à l'heure même où mourait leur étrange bienfaiteur, Henri Ier, l'autocrate libéral et lettré. Dieu fasse paix à son âme. Ceci est le chapitre de l'épreuve terre à terre, qui n'a même pas l'intérêt ni l'émoi d'une vraie persécution. Satan y combat petitement et sourdement. il cache ses coups, il poignarde et protège de la même main déloyale. À ce jeu où il excelle, s'il n'a pas tué, c'est merveille. Dès que nous allons tourner cette page pour entamer un autre chapitre, l'horizon changera et nous ne manquerons pas de trouver en quantité des merveilles plus sensibles, plus éclatantes, plus indéniables. Nous n'en trouverons pas de plus merveilleuses. 6. Avant d'entrer dans le jour nouveau, cependant, faisons encore quelques pas nécessaires sur ce terrain embarrassé de broussailles par le bon plaisir temporel. Le long empiètement d'Henri Ier avait semé des difficultés qui s'épanouirent après sa mort en une véritable forêt d'intrigues. Nous ne resterons pas longtemps dans ce labyrinthe où Dieu, par son ange, ouvrit brusquement sa voie. Les institutions comme les hommes ont l'instinct dans la conservation. Les moines de Saint-Michel soupiraient après l'élection libre, comme ceux qui se noient cherchent l'air respirable. Au bruit du décès du roi-duc, ils se réunirent en convent pour élire un treading religieux du Mont, nommé Geoffroy, qui comprit tout de suite le danger de sa situation, car il dépêcha des envoyés à Rome pour prendre les devants et obtenir la confirmation papale. Eugène III, content d'affirmer le droit de l'Église si longtemps et si souvent méconnu, approuva le choix de nos religieux, et pour que nul n'en ignorât, il adressa à l'élu lui-même une bulle qui disposait ainsi. « Nous ordonnons qu'à ta mort, à toi, abbé, comme à celle de tes successeurs, personne ne soit mis à la tête de la communauté, soit par astuce, soit par violence, sinon celui que les moines d'un accord unanime auront choisi pour leur élu selon la crainte de Dieu et la règle de saint Benoît. Mais partout où s'administre le pouvoir humain, les faits d'usurpation, en se répétant, établissent un droit contre le droit. C'est admis. Les abus d'autorité d'Henri Ier firent loi, Henri II Plantagenet qui lui succédait, commençant une nouvelle dynastie, s'irrita de l'acte légitime et méritoire des moines qu'il appela une « levée de cucules ». C'est une justice à rendre à nos temps révolutionnaires. Ils n'ont rien inventé en fait d'insolentes aigreurs contre les choses de Dieu. Pour apaiser le nouveau protecteur de l'abbaye, il fallut, comme l'avoue mélancoliquement le Gallia Christiana, payer une lourde rançon. Geoffroy mourut comme était mort Bernard, navré de voir la ruine de son monastère consommée par les exactions royales. Ici commence une page vraiment triste et qui ressemble au bulletin d'une agonie. Les moines, à bout de force, s'engourdirent dans leur désespoir et restèrent une année sans nommer aucun remplaçant à Geoffroy. Au bout de ce temps, ils élurent l'un d'entre eux, Richard de la Mouche. Henri les guettait, et ce n'est pas sans motif que nous avons parlé tout à l'heure de nos temps révolutionnaires. Le XIIe siècle eut, au Mont-Saint-Michel, un avant-goût de leurs mauvais jours. Le Plantagenet fit envahir l'abbaye par des estafiers à lui qui mirent tout au pillage et à la profanation. Croix, calices, ornements sacrés disparurent de l'église saccagée. Et comme si le hasard eût voulu parfaire une ressemblance entre cette orgie royale et la grande débauche de 93, les coquins, âmes damnées du Plantagenet qui accomplirent ces stupides dévastations, portaient déjà un titre républicain, ils s'appelaient des commissaires. La relation, je ne dirais pas la plus claire, mais la moins obscure de la débandade qui suivit, se trouve dans un manuscrit montois peu connu, où nous puiserons notre résumé très rapide. On est ici, en effet, comme dans un guet-apens. On a hâte d'en sortir. Les malheureux moines, sous la pression des commissaires du roi, abandonnèrent Richard de la Mouche assez honteusement et procédèrent à l'élection tout illégale de Robert Hardy, Sellerier de Fécamp, qui n'était, au dire des contemporains, ni moine ni laïque. Richard de la Mouche, seul fidèle à son devoir, était allé jusqu'à Rome déposer sa juste plainte au pied du souverain pontife, Eugène III, qui excommunia l'intrus Robert Hardy. Mais l'intrus résista, soutenu comme de raison par le roi-duc. Une relation faussée des événements fut adressée à Eugène III, qui, ne sachant plus que croire, manda l'évêque d'Avranches, et comme si Dieu eût voulu mettre le comble à toutes ces confusions, Eugène III étant mort, son successeur Anastase fut obligé de reprendre l'affaire depuis le commencement. Anastase maintint la condamnation de Robert Hardy et menaça le roi des foudres de l'Église, lui disant « Si vous ne voulez pas nous entendre, nous ne pouvons le souffrir plus longtemps sans tirer contre vous et contre votre terre, sous l'autorité du Seigneur, le propre glaive du prince des apôtres. » Le roi s'émut cette fois, d'autant qu'Éléonore et Mathilde, sa femme et sa mère, voulaient qu'on obéît au pape. Des députés furent expédiés à Rome, où couraient en même temps Robert Hardy, Richard de la Mouche, l'autre Richard, évêque d'Avranches, les avocats du roi et ceux des moines. Saint-Michel, qui est toujours debout en la présence de Dieu, abaissa un regard vers la misère de ses serviteurs, un souffle descendit des hauteurs, écartant ces nuages noirs dont aucun n'eut le temps d'éclater. Trois hommes moururent à point nommé, l'intrus, l'abbé légitime, l'évêque d'Avranches. La paix entre le Saint-Siège et Henri II se trouva ainsi faite d'elle-même. Ni l'un ni l'autre n'avait cédé, mais le souverain pontife gardait le bénéfice de sa ferme attitude, et Henri restait sous le coup de la frayeur qu'il avait ressentie. Il fut prudent par suite de cette frayeur au moins pour un jour, et provoqua lui-même en l'abbaye, purgée de commissaires, la réunion du convent où eut lieu l'élection du successeur de Richard. De cette élection enfin libre, faite selon le droit légitime, selon la règle de Saint-Benoît et selon le cœur de Dieu, sortit une des plus belles entre toutes les prélatures qui devaient illustrer le monde des miracles. L'élu avait nom Robert de Thorigny. Et avec ce grand administrateur, nous montons tout d'un coup au fait même de la gloire de Saint-Michel.